Chapitre 42e. Le lendemain, Madame André se leva à une heure pour elle bien inusitée. Avant 9 heures, à la stupéfaction de sa bonne, elle était habillée, prête à sortir. « Si monsieur me demande, vous lui direz que je suis allée au cimetière. » Elle sortit là-dessus et se trouva dans la rue, pleine à cette heure matinale de visages affairés qu'elle ne connaissait pas. Une bise aigre soufflait dans les moindres plis des vêtements, comme au plus mauvais jour de l'hiver. Avec un frisson, Rose serra son manteau autour d'elle et entra chez le pharmacien voisin. « Voulez-vous me faire cette potion ? » dit-elle en présentant l'ordonnance signée par Langlois. L'aide-pharmacien regarda le papier et l'emporta dans une pièce voisine. Il revint l'instant d'après. « On a déjà fait ce médicament au commencement de la semaine, madame, » dit-il en regardant Rose d'un air de doute. « Parfaitement, c'était pour moi. » J'en avais à peine pris quelques gouttes lorsque ma femme de chambre l'a renversé par mégarde, et le flacon s'est brisé. Je vais vous laisser mon adresse. Ayez la bonté d'y envoyer la potion dès qu'elle sera faite avec l'ordonnance, s'il vous plaît. » Elle parlait d'un air si calme et si dégagé de toute préoccupation que le pharmacien ne fit plus de résistance. Il écrivit son adresse au dos de l'ordonnance et sortit d'un pas tranquille. Elle prit une voiture et se rendit en effet au cimetière. La route était longue, le temps glacial. Par moments, elle souffrait cruellement du froid. Mais dans l'état d'esprit où elle se trouvait, cette souffrance physique était presque une jouissance. Il souriait d'un air de triomphe chaque fois qu'un frisson la secouait. Elle arriva enfin au but de son pèlerinage. Le cimetière était désert. La bise de Mars avait découragé les plus ailés. Le gardien seul se promenait de long en large avec un air pénétré de sa dignité. Rose entra chez un marbrier et couvrit ses bras de couronne. Quelques fleurs hâtives de printemps grelottaient sur le marbre des monuments préparés. Elle prit au hasard tout ce qu'elle trouva sans en demander le prix, et laissant au marchand stupéfait d'une telle prodigalité presque tout le contenu de sa bourse, elle se dirigea vers la tombe de Florence. Elle serrait bouquet et couronne contre elle, comme des êtres chers et animés qui pouvaient ressentir son étreinte. Depuis bien longtemps, elle n'avait rien eu à serrer sur ce cœur vide et désolé. On eût dit que les bras lui faisaient mal pour être resté si longtemps inutile, et que maintenant il ne voulait plus reprendre le fardeau. Elle arriva devant la croix de pierre qu'elle avait fait poser sur le terrain concédé, et ouvrant ses bras lassés, elle laissa tomber ses offrandes pêle-mêle, puis elle resta immobile devant le petit monument. Florence l'avait aimé. Depuis la mort du chanteur italien, personne ne l'avait tant aimé que Florence. Rose frissonna au souvenir d'André. Celui-là aussi l'avait aimé. Pourquoi fallait-il que le souvenir de cette tendresse lui fût plus douloureux que la marque d'un fer rouge? Et Florence la blâmait toujours. Qui sait, plus docile. Rose eût peut-être été plus heureuse, mais maintenant il était trop tard pour penser à tout cela. Revenant à elle comme au sortir d'un rêve, la jeune femme se baissa, ramassa les couronnes et les fleurs éparses et les disposa sur la tombe de façon à lui donner un aspect riant. Quand elle eut terminé son œuvre, il restait encore à ses pieds un morceau de bouquet qu'elle ne savait où placer. Elle les prit à brasser et les jeta par-dessus la balustrade. Les fleurs s'éparpillèrent un peu partout, et sous le vent glacé du nord, la terre qui recouvrait Florence eut l'air d'une de ces jonchées que l'on fait à la fête Dieu pour le passage du Saint-Sacrement. Rose regarda son œuvre et s'appuya à l'un des angles de la grille. Pauvre Florence, elle était morte tranquillement, sans souffrance. C'est bon, une mort tranquille. D'abord, on n'ennuie pas les autres, et puis soi-même, on s'en va sans secousse et sans effort. Le même sourire de triomphe cruel par lequel Rose avait défié les frissons dans la voiture reparut sur ses lèvres au moment où elle quittait la tombe. Elle retourna vers Paris, mais au lieu de rentrer chez elle où l'attendait le déjeuner, elle se fit déposer dans un restaurant paisible où jadis elle avait pris bien des repas. On lui servit un bouillon. Elle lut lentement un journal qui se trouvait sous sa main. Puis après s'être assurée que André devait être parti, même dans le cas où il serait venu déjeuner chez lui, elle reprit le chemin de son logis. Le pharmacien avait envoyé la potion. Elle regarda le petit flacon et le déposa sur la cheminée de sa chambre, puis elle sonna la bonne. « Je gèle, » dit Rose, « faites-moi un grand feu qui flambe bien. » La cheminée ne fut bientôt qu'un brasier, et la chaleur pénétra tous les recoins de la chambre luxueuse et indifférente, où rien ne parlait de joie ni de chagrin, où rien n'attachait hier à demain. La journée, toujours grise, devenait plus sombre. Rose y voyait à peine. Elle approcha de la fenêtre une petite table et se mit à écrire, pendant que les reflets joyeux de la flamme allaient et venaient sur le papier. Elle écrivait lentement, s'arrêtant entre chaque membre de phrase, souvent indécise et parfois, avec un mouvement d'impatience, prête à déchirer le papier. Elle se retint pourtant, et alla jusqu'au bas de la page où elle signa de son nom de femme mariée, avec un sourire de pitié railleuse, puis elle déposa ce papier tout ouvert sur la cheminée et se chauffa un instant les pieds sur le garde-cendre. Elle fronçait les sourcils comme autrefois d'un air concentré, presque méchant, mais ses yeux fixés dans le vague ne voyaient en ce moment aucune image définie. C'étaient les événements de sa propre vie qui montaient lentement devant elle, comme des spectres sortant d'une tombe. Semblables à des vapeurs flottantes, ils passaient confusément, enchevêtrés les uns dans les autres, et il les saluait tantôt d'un sourire amer, tantôt d'une raillerie cruelle, souvent d'un reproche. Parfois d'une larme, aussitôt arrêtée dans ses yeux par un effort de volonté. Le cortège lugubre défila ainsi devant elle pendant que la chambre déjà sombre s'obscurcissait de plus en plus. Le feu ne jetait plus de flammes brillantes, mais la main de braise d'un rouge foncé se rétrécissait dans le foyer, s'écroulant par instants avec un bruit mélancolique. Les traits de Rose se détendirent, elle quitta la cheminée et tira de son secrétaire la première potion apportée quelques jours auparavant. La petite fiole était intacte, elle en retira le bouchon et la flaira une seconde avec une sorte de volupté. Puis, dans un tiroir, elle prit un flacon de laudanum apporté d'Amérique. Celui-là aussi avait été le compagnon de bien des nuits d'insomnie et s'était toujours montré un fidèle ami. Elle versa le contenu de trois fioles dans un verre et le regarda aux lueurs mourantes du foyer. La liqueur brillait comme du sang à travers les facettes du cristal. « Il y en aura assez, » se dit-elle. Il reposa le verre sur la table près de son lit. Hésitante, elle dégrafait déjà son corsage lorsqu'une pensée lui vint et elle courut à la chambre d'André. La pièce était froide et terne. Elle n'y prit pas garde. S'approchant du lit, elle plongea son visage à deux reprises dans l'oreiller où elle laissa un baiser brûlant. « Cher aimé, » dit-elle tout bas, « je ne puis faire qu'une chose pour vous. Je n'ai qu'un sacrifice à vous offrir. Je vous l'offre de grand cœur et sans regret. Soyez heureux avec celle que vous aimez. » Elle rentra rapidement chez elle, et la bonne, qui traversait en ce moment le corridor, se rappela toute sa vie le sourire qu'elle avait vu sur les lèvres de madame. Rentrée chez elle, elle fit en hâte une toilette soignée, arrangea ses cheveux en deux tresses, mit un peignoir bleu dont la couleur saillait à son teint mat et pâle, puis se regarda dans la glace. « Je ne veux pas pleurer, » se dit-elle en refoulant des larmes involontaires qui montaient à ses yeux. « Pleurer, quand je fais la seule bonne action de ma vie. » Elle s'étendit sur son lit et but le philtre mortel d'un seul coup, sans réfléchir, puis le ferma les yeux et attendit. La braise était entièrement consumée dans l'âtre et ne laissait plus que des cendres blanches et veloutées comme des flocons de duvet. Le sommeil de Rose, d'abord troublé, s'était calmé peu à peu. L'atmosphère, refroidie par degrés, semblait plus épaisse et plus lourde, et la nuit était venue depuis longtemps. André, qui se sentait en retard, monta rapidement l'escalier. Après la scène pénible de la veille, il ne voulait témoigner à Rose ni froideur exagérée, ni mauvaise grâce. Il sonna. Il demanda à la bonne si madame était rentrée. « Il y a bien longtemps, monsieur, » répondit cette fille. « Madame est dans sa chambre. »« Vous pouvez servir, » dit André. La bonne frappa à la porte de Rose. Rien ne lui répondit. Elle frappa plus fort, sans autre réponse. S'enhardissant, elle entr'ouvrit la porte, et une odeur amère la saisit à la gorge. La chambre était sombre. Elle eut peur. « Monsieur, » dit-elle à André, qui entrait dans le salon, « madame ne répond pas. » Il comprit sur le champ, saisit la lampe et pénétra dans la chambre. Rose dormait pour toujours dans la lourde odeur d'opium. Il lui prit la main, elle était glacée. La bonne ouvrit rapidement la lettre, et les yeux d'André tombèrent sur le papier qu'il devina, plutôt qu'il ne l'eût. « Je n'ai jamais pu faire que du mal, même à ceux que j'aimais. Je m'en vais sans regret, sans rancune, sans remords. C'est le seul service que je puisse rendre à des êtres que j'honore et que je voudrais savoir heureux. J'ai usé de ruses pour me procurer le poison qui nous délivre tous, que personne ne regrette rien. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment satisfaite de moi-même. Cet adieu était signé et daté. » André poussa un cri et, sans prendre garde au gémissement de la bonne qui le suppliait de ne pas la laisser seule avec la morte, Il jeta un mot d'avis chez le pharmacien et courut chez l'Anglois. Le docteur s'asseyait à table avec sa femme. Marguerite, fort ébranlée par la secousse de la soirée précédente, dormait assez tranquillement dans la pièce voisine. André fut introduit dans la salle à manger. « Rose est morte, » dit-il à voix basse. « Du moins, elle paraît morte. Viens vite, s'il y avait quelque chose à faire. » L'Anglois se leva très pâle. À présent, il était sûr qu'elle avait eu depuis 8 jours l'intention de s'empoisonner. « Comment a-t-elle fait ? » dit-il. « J'avais eu soin de ne pas lui en donner assez. »« Bien, » répéta André avec impatience. Et il l'entraîna. Il souffrait horriblement. La pensée que ces paroles de la veille avaient causé la mort d'une créature humaine, cette créature fut-elle Rose elle-même, l'unique obstacle à son bonheur, cette pensée lui paraissait écrasante comme un crime. Lorsque l'Anglois se trouva en présence de Rose, il toucha pour la forme les mains glacées et le cœur immobile, et fit à André un signe négatif. « Elle est morte ?» demanda celui-ci encore incrédule. « Tu es libre, » répondit le docteur. André recula. « Libre ?» En effet, de ce lit funéraire, surgissait la radieuse aurore d'une vie heureuse et calme. Il se sentit plein de pitié et d'une triste reconnaissance pour celle qui lui donnait tant de bien, et il posa sa main clémente sur le front encore blanc de la morte, puis il se détourna et quitta la chambre. Quand l'Anglois fut seul avec le corps de Rose, il se pencha sur elle, les yeux pleins d'une mystérieuse tendresse. « Oui, » dit-il tout bas, « vous étiez mauvaise, égoïste, imparfaite. Mais vous m'avez aimée, et moi aussi, je vous ai aimée. Moi seul vous ai aimé tel que vous étiez, moi seul n'ai pas cherché de perfection chimérique dans votre pauvre nature fantastique. Jamais je ne vous ai tant aimé qu'au moment où je vous repoussais. Quand je vous persécutais pour vous ramener au bien, c'était encore de l'amour. Jamais vous n'avez su. Vous m'avez cru rigide et impeccable, Rose, et pourtant c'est moi qui vous aimais. Et votre dernière ressource, c'est encore moi qui l'ai mise dans vos mains, en tremblant. Je savais bien que vous vaincriez encore cet obstacle, et je suis sûr que vous n'aviez pas seulement pensé à moi en mourant. Moi qui ? » Il se détourna, et une larme, la première depuis les jours de son enfance, tomba sur la joue pâlie de Rose des yeux de l'impénétrable docteur Langlois. Vers 10 heures du soir, Marguerite se réveilla d'un sommeil prolongé. Le départ avait été remis, bien entendu, et pendant toute la journée, Claire n'avait fait que défaire les malles déjà fermées. En ouvrant les yeux, elle regarda autour d'elle et vit André assis au pied de sa chaise longue, comme pendant les jours dangereux de sa maladie. « Ah » dit-elle doucement, « les rechutes ont du bon. Claire est-elle là ?» André fit un signe négatif. L'Anglois, caché derrière le dossier de la chaise, ne donna pas signe de vie. « On vous a laissé venir ?» dit la jeune fille en s'appuyant sur son coude. « Si je pouvais être très longtemps malade, mon ami, pour que nous soyons encore longtemps sans nous séparer ?» « Nous ne nous séparerons plus, ma chérie, » dit André. « Vraiment ? Ils veulent bien vous permettre ?»« Ah, c'est que je vais mourir, alors, » dit-elle en se laissant aller toute pâle sur le coussin. L'Anglois se pencha doucement sur la chaise, derrière elle. « Non, » dit André avec un sourire encourageant, « il n'est pas question de mourir. Il faut vivre, au contraire. Nous allons être très heureux, ma chère Marguerite. On n'aura jamais vu de gens plus heureux que nous. » Elle le regarda d'un air de doute, avec un sourire d'enfant qui pense qu'on veut le tromper. « Est-ce qu'on vous laisserait venir avec nous dans le midi ? » fit-elle timidement. « Oui, d'abord, mais, ma bien-aimée, nous pouvons être plus heureux encore. » Elle fixa sur lui des yeux incrédules où se peignit bientôt l'effroi. « Vous voulez m'emmener ? » dit-elle. « Oh non, non, ne me demandez pas cela. Je crois, il me semble, que je ne pourrais pas vous refuser de partir, et ce serait si mal, je vous en supplie. » L'Anglois se pencha un peu plus vers elle et prononça doucement son nom. « Vous êtes là, Charles ? » dit-elle en tressaillant. « Vous avez entendu ? » ?»« Oui, ma sœur chérie. Donnez-moi votre main et écoutez ce qu'André va vous dire. » Il prit la main de la jeune fille, de façon à sentir palpiter le pouls, et fit signe à son ami de continuer. « Nous pouvons être plus heureux que vous ne le pensez, et sans que vous ayez de reproches à vous faire, ma chérie, » reprit celui-ci. « Mais d'abord, il faut que je vous dise quelque chose d'un peu triste. Vous n'allez pas vous effrayer. »« Ce n'est pas un malheur pour vous, » fit Marguerite inquiète. « Non, pas pour moi, ni pour vous, ni pour votre famille. »« Dites alors, » reprit-elle en le regardant toujours avec un peu de frayeur. « Vous avez reçu il y a quelques jours la visite d'une malheureuse femme, qui nous a fait beaucoup souffrir. Votre femme ? S'écria Marguerite avec un mouvement brusque que Langlois réprima doucement. Oui, il lui est arrivé un accident fatal. En prenant une potion, elle s'est trompée de dose et elle est morte, fit la jeune fille en joignant les mains. La pauvre femme, après tant de chagrin. Ému au-delà de ses forces par cette abnégation presque surhumaine, André se laissa glisser à genoux près de celle qu'il aimait. Elle est morte sans souffrance, dit-il, et je suis libre, Marguerite. Langlois leva le doigt pour avertir André de ne pas continuer. Le cœur de la jeune fille s'était arrêté, et ses yeux se voilaient insensiblement. Mais au bout d'un millième de seconde, le sang remonta à ses joues, et elle avait repris son cours un instant interrompu. « Allons, dit Langlois, je crois que le moment périlleux est passé. Maintenant il faut vous remettre au lit, ma petite sœur. À partir de ce jour, vous verrez André autant qu'il vous plaira, et vous serez mariés dans un mois. On ne meurt pas de joie. » Marguerite a toujours ignoré le suicide de Rose, et de temps en temps, elle repense à cet accident arrivé si à propos, qui probablement l'a sauvée elle-même de la mort. Bien des fois André était sur le point de lui dire la vérité, afin que justice fût rendue au sacrifice de la comédienne. Mais Langlois l'en a toujours empêché, sous le prétexte que cette idée empoisonnerait le bonheur de sa belle-sœur. Tous les ans, à la Toussaint, et à l'anniversaire de ce jour qui fut pour tous une délivrance, le docteur envoie des fleurs à la tombe qui porte le nom de Rose Rosier. Sachet s'y est rencontré plus d'une fois avec lui, et maintenant ces deux hommes, qui ne se connaissent pas, se saluent quand ils se rencontrent, unis dans une même pensée de respect et de pitié. Ainsi s'achève Rose Rosier d'Henri Gréville.